Bonsoir à tous, bienvenue pour cette émission, ce quiz. Ce soir, nos joyeux concurrents vont devoir répondre à des questions sur l'histoire de la F1, tester leurs connaissances dans la joie et la bonne humeur, j'espère en tout cas. On va voir hein, s'ils sont pas trop... Je ne dis rien pour l'instant, on va bien en commencer mieux que ça. Michael, bonsoir à tous. Eh bien, bonsoir Régis. Alors c'est bien, il me dit bonsoir à tous à moi, puisque je suis neuf dans ma tête. ce qui évidemment sera très pratique pour un quiz, puisque les huit autres iront sur Wikipédia pendant qu'on me posera des questions. Bien entendu. Oh, les tricheurs, j'aime pas ça. Bon. Toi Mathieu, je sais que tu n'auras pas besoin d'aller sur Wikipédia. Bah non, Wikipédia c'est moi pour la F1. Bonsoir tout le monde. J'espère que tu es prêt. Toujours pour ça, toujours. Bien, bien. Un autre habitué de l'émission, ceux qui ont l'habitude... le connaissent. Thibaut, bonsoir. Bonsoir Régis, bonsoir tout le monde. Toujours prêt comme les scouts? Oui, bien, très bien, voilà, très bien la référence. Dorian, bonsoir Dorian. Bonsoir Régis, bonsoir tout le monde. Et bon, on va essayer de faire une petite coalition pour que Mathieu ne gagne pas, peut-être. Oui, non? Bon. Bah, je vais péter les jambes. Ok, c'est bien, tu as l'air d'être en forme. Et vous ne l'avez encore jamais vu dans les émissions. Fred est là. Bonsoir, Fred. Bonsoir. Mais je ne savais pas que j'étais filmé, en fait. Alors, je vais me recoiffer, peut-être. Mais remets ton caleçon, aussi. J'arrête de me tripoter, ok. Bien. Bon, je vois que ça part, très, très bien. Ça va être facile, hein. Je le sens, on va s'amuser. Très bien. Alors, avant de commencer, je vais faire un petit point sur les règles. Donc, pour information, nos concurrents auront au tour par tour à répondre en tout à chacun 8 questions en première partie. Ils auront le choix entre facile, moyen et difficile, qui vaudront donc 1, 2 et 3 points. Ils choisiront la difficulté qu'ils veulent, à ceci près qu'ils seront obligés de prendre au moins une question de chaque difficulté. Bon, après, ils sont libres, s'ils veulent, de prendre 6 questions faciles et une moyenne, une difficile. Voilà, c'est pas très compliqué. Après, les deux meilleurs s'affronteront pour une finale qui sera sans doute épique. Là, j'en suis persuadé. Voilà, est-ce que vous êtes prêts, les gars? Voilà, oui, non, j'en vois qui dorment déjà, c'est mal pour le jeu, là. Tout le monde est prêt? Bah oui. Oui. Oui. Là, très bien, très bien. Alors, pour l'ordre, eh bien, on va pas faire dans la dentelle. Voilà, écoute, Michael, puisque c'est toi qui as fini ma phrase, eh bien, c'est toi qui vas commencer. Je savais pas que j'avais la voix de Dorian, mais ça me va. Quoi, c'est Dorian qui a parlé? Oui. Ah bah c'est trop tard, hein, ce mec. C'est trop tard. Écoutez, ben alors. Michael qui a commencé parce que voilà. Ah mais bon, tout le monde me connaît ici. Je suis nul en quiz. Ah. Donc difficile. Allez. Ah oui. Difficile. Foot, moi. Bien, bien, très très bien pour commencer. Ok. Alors, difficile, Michael. Quel grand constructeur a honteusement mal fourni l'écurie Footwork en moteur durant moins de la moitié de la saison 91 avant de s'en aller en toute discrétion? Au moins, ce qui est bien, c'est que la question difficile est vraiment difficile. Ça vous occupe pas déjà. Donc écoutez, je pense. Mais bon, je sais que tout le monde là, dans ceux qui écoutent, c'est évidemment Jean-Jacques Bourdin. Bien sûr. Un constructeur, oui, non. Oui. Ah, écoute, je sais pas, moi, constructeur Yamaha, vu qu'ils étaient tout en champ F1 Yamaha. Eh bien, non, c'était Porsche. Oui. Porsche, voilà, qui s'est barré sans faire de vague, étrangement. Hein, voilà. Ah, bah, sans tag, c'est moins bien. Hein. C'est pas un grand constructeur, ça. Ouais. Merci. Thibaut, ne fais pas ton malin. Hein. Attention. Hein. Mais pourquoi on croit toujours que je dis une blague alors que c'était la vérité? Je sais pas, moi. Non, mais c'était le moins, je pense, était plus dû à la teneur de la mauvaise réponse, vois-tu. Ah bah, on sait jamais. Qu'il fasse pas son malin, celui-là, parce qu'on comptera les points à la fin, il en aura 2, j'en aurai 8. C'est ça. Ah, parce que Mathieu n'avait pas fait de blague. Bon, tant pis. Allez, Dorian. Ouais. C'est moyen difficile. Moyenne. Moyenne. Eh bien, allons-y pour les moyennes. Dorian, quel pilote est malheureusement décédé au départ du Grand Prix de Montréal 82? Bon, c'est facile. Oui. Ça. Montréal 82 au départ. Ouais. Il est drôle, le garçon. C'est lui qui va mourir. Bref, je n'ai pas entendu ta réponse et il est trop tard maintenant. Oui, c'est facile. Ok, Michael, alors c'est qui? Ricardo Paletti. En effet, en effet. Mais quand même, enfin, merde. Je n'aurais pas trouvé. Je suis choqué. Ah non, mais je t'ai dit que j'étais plus mauvais que toi, hein, fais gaffe. Bien, alors, Dorian. Alors, bon, Thibaut. Oui. Thibaut, c'est à toi, facile, moyen, difficile. Alors, je vais être encore plus lâche, je vais être facile. Facile, d'accord. Alors, Thibaut, un accrochage avec quel pilote a mis fin à la course de Schumacher à Spa en 98? Oh là, un certain David Coulthard. Ah, et oui, en effet. Thibaut, tu inaugures les points, c'est bien. Ouais. Ah, c'est... Attends, là, j'applaudis parce que c'est très rare que ça lui arrive. Oh, ça... attention, ça dénonce ici. Ah, bah, Thibaut a quand même une réputation. Ah, oui. Fred, à toi. Ouais. Bah, si ça parle encore d'un crash de Schumacher, ça peut être que bien, donc on va dire facile. D'accord. Alors, c'est histoire que les gens connaissent un petit peu mes opinions. T'as été bien influencé, toi, non? Ouais, on se demande par qui Régis a été influencé. Alors, Fred, sur quel circuit se sont achevées toutes les saisons de 85 à 95? Adélaïde. Oui. C'est exact. Oui. Un point pour Fred. Et maintenant, Mathieu. Facile, moyen, moyen, difficile. Moyen, moyen. Bon. Tu fais ce que je veux, merci. Enfin, je choisis ce que je veux plutôt. Ok. Encore une question un peu triste et tragique. C'est pour faire dans la gaieté. Quel pilote a plongé dans le brasier à Monza 78 pour essayer de sauver Ronnie Peterson? À plonger dedans. Ah, bah, c'était Hunt normalement. Oui, le premier. C'est cela même. Eh bien, voilà, Mathieu, 2 points. Si ça, c'est une question moyenne, qu'est-ce que ça va être le reste des difficiles? Ah, ouais, là, même moi, j'étais surpris que ce soit pas dans difficile, ça. Ça pristine. Alors, Michael, c'est à nouveau à toi. Bon, bah, facile à un moment, bon. Très bien. Molle. J'ai des points à rattraper, mon monsieur. Michael, avant Manicourt, sur quel circuit avait principalement lieu le Grand Prix de France de 71 à 90? Ah bah le Paul Ricard, évidemment. Mais en effet. Ouais, j'ai un point, c'est bon. C'est mieux. C'est facile parce que j'ai autre chose. je pense à Dijon, alors c'est bien, c'est facile. Dorian. Moyen, encore une fois. Oui. Dorian, quel pilote était surnommé le gorille de Monza? Affectueusement. What? Elle est pas simple non plus, celle-là. Ah, je l'ai jamais. Mais je, bah, ça me dit quelque chose, mais non, je ne saurais jamais les retrouver. Mais son sauce. C'était Vittorio Brambilla. Vainqueur de Grand Prix, hein, vainqueur de Grand Prix. Je n'ai pas pris le pilote totalement. Oui, totalement non, mais... Enfin, je rappelle que Pastor Maldonado est vainqueur de Grand Prix aussi à un moment. On l'oublie pas. Hein. Respectez les auditeurs. Bon, désolé Dorian. Thibaut, à toi. Oui, alors moyen. Moyen. À vos ordres, monsieur. oui, quel est le seul pilote qui, en 95, a remporté un Grand Prix sans être propulsé par un moteur Renault? Jean Alési. Oui. Aïe, aïe, aïe. Bon. Bien joué. Fred, à toi. Allez, comme il faut prendre difficile un jour ou l'autre, on va prendre difficile. D'accord. Pour quelles raisons les organisateurs du Grand Prix du Brésil en 2000 ont-ils écopé d'une amende? Je crois qu'il y avait une voiture mal garée à côté d'un. Enfin, elle était un petit peu garée sur un passage piéton, du coup ils ont eu un PV quoi. Non, c'était pas Schumacher ça. Non, non, j'ai bien peur que cette réponse ne soit pas valable. Ils n'avaient pas mis les travaux en guise de grid girl, non, c'est pas ça. J'ai pas voulu la faire celle-là. Mais... Non, si, à un moment. Non, c'est parce que les panneaux publicitaires tombaient sur la piste en essai. Et plus ah oui. Donc, ça, oui, tu joues à l'Asie d'ailleurs. Oui. En quelle année t'as dit? En 2000. Mm-hmm. Ah, d'accord. Ouais, enfin, j'aurais pas retrouvé non plus. Hein. Oui, je me souviens que Barrichello s'en était pris. Hein, sur Prost. Et je me souviens d'une Prost aussi qu'il a pris après. C'était Alési justement. C'est pour ça que je disais qu'il a failli se faire. Par hasard, Alési. Ah bah. On a alimenté les guignols, vous savez. Ah bah, comme si en 2000, ils n'avaient pas eu assez d'emmerdes. très bien. Ensuite, Mathieu, à toi. Difficile. Très bien. Mathieu, qu'est-ce que la Lotus type 76, qui, comme son indique, courait en 74, avait en double? C'est l'embrayage, je crois. Non, c'était sa pédale de frein. Il y avait deux pédales de frein. Ah, une pour le pied droit lors d'un freinage traditionnel, une pour le pied gauche lorsque le pilote souhaitait conserver le pied plus longtemps possible sur l'accélérateur, tout en commençant à freiner en douceur afin d'avoir une meilleure stabilité. Mais ça n'a pas marché du tout, hein, pour un McLaren l'a mieux fait en 98. Bon, ben voilà, je l'oublie. Oui. Ça arrive. Mais bon, forcément, la FIA sera sur plein de Ferrari. Enfin, bref. J'ai rien dit, hein. Très bien. Alors, après deux questions, eh bien, c'est Thibaut qui mène avec 3 points. Ben. Ouais. Devant Mathieu, 2 points. Michael et Fred, 1 point. Dorian, pas encore, mais il reste plusieurs questions. Tu vas te rattraper. Vous savez, les accidents arrivent à Massa, bien à championnat. Oui, bah oui. Merci. Ce qui est bien, c'est que ton stock de blagues s'est énormément renouvelé avec le temps, Mathieu. C'est très bien. Michael. Oui. Moyen. Ça, c'est fait. Oui. Pour quelle raison Bertrand Gachot a-t-il été en prison en 91? Ah, il avait... Voilà. Il avait pris un espèce de spray, je ne sais pas quoi. Enfin, il a fait chier un taxi à Londres. Oui. Et ça a donné le pire jour de l'histoire de l'humanité pour Régis, notamment. Je ne suivais pas la F1 à l'époque, j'étais un peu petit, quand même. Oui, mais ça reste le pire jour de l'histoire de l'humanité. Hiroshima, pour les Japonais, ça reste, même si tu n'étais pas né. Là, c'est ton Hiroshima. En tout cas, c'est une bonne réponse et c'est bien, tu marques 2 points. Dorian. Difficile, allez, on va y aller franco. Oh, allons-y. Il est mort, ouais, c'est mieux. difficile donc. Quel est le meilleur classement d'une Minardi en course? Ah, facile. Ah oui. 4e. Mais. Tu sais que c'est une bonne réponse. Oui. Ah oui, oui, oui. Bravo, ah oui. Bravo. Merci. Merci. Sans que c'était pas au hasard, hein, du tout. Non, mais ça me rappelait quelque chose, le fait qu'ils n'avaient pas fait de podium. Et à trois reprises, Martini, 2 fois en 91, si mes souvenirs sont bons, et Christian Fittipaldi en 93. Je confirme. Oui. Merci. Et malheureusement, ils sont toujours arrêtés au pied du podium, c'est ballot. C'est maintenant à Thibaut. Bon, bah, difficile, hein. Très bien. Difficile. Oui, pardon. j'étais allé voir mes questions faciles, donc évidemment, forcément, il y avait un truc qui clochait. Thibaut, en 97, quels étaient les deux pilotes de l'éphémère retour de Lola? Ah, oh, putain! Pas simple. Je sais pas moi, Yukio Katayama et je sais pas moi, Ricardo Patrese, allez. Non, il y avait bien un Ricardo, mais non. Rosset. Oui, voilà, mais Ricardo Patrese c'était un petit peu tard quand même. Ricardo Rosset et Vincenzo Sospiri, mais bon voilà, l'équipe n'a pas survécu au calife de Melbourne, sachant qu'ils avaient quand même juste 12 et 11 secondes de retard sur la pole. Bon, ah bah, il y a certaines choses qui ne s'achètent pas, et pour tout le reste. 12 voilà. Secondes, tu trouves ça terrible? Je rappelle que Carmen Jordan est à 12 secondes de Marco Sorensen dans un simulateur et ça ne choque personne. Selon Sorensen. Selon ça ne choque personne. Oui, parce que personne croyez, n'est au courant. Mais... Vous croyez plutôt qui. Bah, si, Régis, on lit des infos sur la F1. Mais vous croyez plutôt qui. Sorensen qui dit que Carmen Jordan est 12 secondes plus lent qu'elle, ou Carmen Jordan qui dit qu'elle n'est qu'à 1 seconde de Romain Grosjean? Bah, si elle avait dit à 1 seconde de Pastor Maldonado, là, ça aurait été un peu plus crédible. Il là, en pointe rapide. De vitesse, Maldonado. Oui, ça va encore. Fred, c'est normal. Très bien, Fred, c'est à toi. Oui. Ah, on va faire moyen, alors, j'ai pas fait. D'accord. Ok, pour le moyen. Fred, en quelle année la règle des meilleurs résultats a été utilisée pour la dernière fois? Cette connerie, là. Si tu peux souffler discrètement. D'accord. 8. Va te faire foutre. Oh non, 8 après Jésus-Christ, vas-y. Bon, bref. 84. Non, on s'attend à s'arrêter un peu tard, mais bon. Non, c'était en 90. Ouais, c'est pareil, 84, 90. Mathieu, ne te plains pas. Mathieu, ne te plains pas. Senna a gagné son premier titre avec cette règle. Il a été sauvé, je dirais, par cette règle. Ça m'aurait pas posé de problème que Prost se gagne. Le fait est que c'est une mauvaise réponse, désolé. Donc 2 points pour moi, merci. Oui, ok. Si tu réponds à une question facile à la prochaine fois correctement, c'est bon, tu auras 2 points en effet. Mathieu, c'est à toi. Allez, on va refaire difficile, on va s'amuser. Difficile, à vos ordres. Alors. C'est cool. Comment ? Et tu m'obéis, c'est cool. Ah bah, bien sûr, je suis toujours, mon grand, toujours. C'est mignon. Mathieu, à Suzuka 2000, lors des cruciaux, deuxième arrêt au stand des leaders, un pilote était en tête à queue très proche de l'entrée des stands. Qui était-ce ? Wurst. Bien joué. Oui, effectivement. Ah bah, à force de me repasser les résumés quand j'étais petit, ça s'est imprimé dans ma tête. Mais moi, je le savais, ça. Donc, de toute façon. Eh bien, c'est à toi, Michael. Ah, bah, facile. Facile. Ok, d'accord. Michael, en 2013, combien de victoires consécutives Vettel a-t-il aligné ? Oh merde. Ça, c'est facile, ça, pour toi. Bah, putain. Bah, c'est tout récent. Bah, oui, mais alors, faut quand même les compter. C'est tout quand même. Bah, tout récent, moi, je m'en souviens moins. Oui, c'est ça. Ça va. Bah, voilà, tout va bien. Bon, oh, bah, voilà. Faut que tu te plains, hein. Oh là, vraiment. Non, mais j'ai failli dire 8, alors je sais même pas pourquoi. On aurait voulu qu'il en gagne moins, c'est pour ça. Ouais. moins consécutivement, surtout. On passe encore, puis on gagne beaucoup. Mais... On peut en laisser une agro-jante. C'était ça voulait quand même assez chiant. Dorian, à toi. Moyen. Oui. Dorian, sur quel circuit Jacques Lafitte a-t-il eu les jambes brisées en 86 ? Ah. Il fallait répondre à une question. Ah. C'est facile. Oui, mais non. C'est trop tard là, hein. Je ne te cache pas. Je me demande si c'est pas Montréal, mais. Donc, de toute façon, c'était pas la bonne réponse. Ah, non. C'était un autre Montréal. C'était un Brands Hatch. Voilà. Ah d'accord. Eh oui. Désolé. Alors, mais avec ta réponse à ta bonne réponse à une question difficile, tu restes bien classé. Fred, à toi. Bah facile, hein, parce que. Et moi alors. Ah, tu dégages. Excusez-moi, non, c'est vrai, je reconnais mon erreur, c'était à Thibaut, désolé Fred. Thibaut d'abord. Toi, 3 points. Thibaut. Alors, moyen. Moyen, mais oui. Thibaut, de combien de points est la plus petite marge de l'histoire de la F1 entre le champion et le deuxième du championnat ? 0,5 ? Oui. Mais c'est facile, c'est pas moyen. Ah, oui. C'est là, elle est connue encore, ça va. Ça, c'est 100% facile. Toutes les questions des autres sont faciles, les miennes sont très dures. Non, mais c'est la question que j'aurais dû avoir là, maintenant. Là. C'est vraiment injuste. Bon, c'est à toi, justement, donc. Bon, bah, facile. 1 point, c'est la réponse. Facile, quel est le nom du premier virage de Spa-Francorchamps ? Ah. Estoril. Oui. Ah non, mais là, c'est pas... Ah ouais, mais là, je ne sais plus. Mais c'est scandaleux. Bah, tu dis bien, c'est trop tard, je suis désolé, c'est trop tard. Dehors. Là, vous n'allez pas me dire que c'était pas facile. Regarde tes sources. C'est le trou des noirs, ça peut arriver, ça peut arriver. Mais oui. Bref, allez, dites donc la réponse à les autres. Hein. La source. Ah mais voilà. Là, franchement, je... Bon. Désolé, mais il te restera plusieurs questions pour te refaire ton retard. Oui, non, mais c'est pour faire un peu de suspense. Tu sais, comme là, c'est ça, tu te ménages avant de les écraser vers la fin. Oui. Voilà, le vainqueur, il se prend des coups de poing dans la gueule et ensuite, il bat tout le monde. Donc, là, c'est à Mathieu. On repasse sur le moyen ? Repassons sur le moyen, très bien. Sur le moyen, quel est... La dernière femme à avoir marqué en F1 ? Bah, la dernière, la seule, Léa Lombardi. Oui, et du reste, elle reste la dernière à avoir pris le départ, parce que lui ont succédé juste en essai ou bien non qualifié. Oui, tout à fait. C'est elle qui a le plus petit nombre de points, vu que elle est la seule à avoir un demi-point. Et oui, elle est morte, oui. Oui. Ah oui, aussi. Oh, bah, c'est violent. C'est bien, on casse l'ambiance, mais c'est très bien. Très bien. Alors, je fais un petit point sur les scores à mi-parcours. Oui, on s'en va. pas de panique. Tout le monde a marqué, donc il n'y a pas de problème. Alors, en tête, nous avons Mathieu. Incroyable. Avec 7 points. Ah bon ? 7 ! Eh oui, 7, oui. Bon, ouais, désolé, bah, deux questions moyennes et une question difficile. Je ne remets pas en question, c'est vrai. On va jouer à deuxième, hein, c'est juste que je suis mal barré pour attendre 3 déjà. En deuxième position, Thibaut avec 5 points. Ouais. Ça fait beaucoup. Non, non, non. Il est mon numéro 2. En troisième position, oh là là, quel prétentieux Mathieu. En troisième position, Michael, 4 points. Ah bah quand même. Oh oui, et tout le monde s'en fout là. Thibaut 2, bah oui. c'est la samba, et moi tout le monde s'en fout. Bah, bravo. Bah, en quatrième position, Dorian, avec 3 points. Bravo! Oui, et, merci. Et Fred ferme la marche, mais il a tout de même un point. Donc, avec les honneurs! Techniquement, en 4 questions, vous pouvez marquer jusqu'à 12 points. Donc, 6 points de retard, je suis désolé, il n'y a rien de fait. Oui, mais comme, Mathieu, comme sur 12, Mathieu va en marquer 8. Bon, bah voilà. Sachant hein. que. Sachant qu'il y a j'ai eu une fausse. Hein. Il y a 2 places en finale, je rappelle. 2 places, donc, on ne panique pas, c'est bon, il reste juste 12 points maximum en jeu. Et rappelons qu'on enregistre à 0 points. Donc, nous reprenons. Michael, c'est à toi. Facile. Je suis bien. Oui, monsieur. Sur quel circuit d'Iquilodat a-t-il failli mourir en 76? Oh, bah, c'était juste devant chez moi, là, dans ma rue. Non, c'est pas ça. C'est bah, le Nürburgring. Ou, oui, comme certaines anciennes présentatrices diraient Nürburgring. Mais bon, ça c'est encore autre chose. ou bien Jacques Lafitte. Ouais. Enfin bon, ça ne vaut pas non plus sa prononciation de Hungaroring. Qui gagne plutôt Hungaroring, un truc comme ça. Mais bon, Jacques Lafitte, non. Allez, Dorian, à toi. Une question facile. Mais oui, avec plaisir. Avec autant d'enthousiasme, forcément. Avec plaisir. quel est le plus jeune vainqueur de Grand Prix d'histoire de la F1? Sébastien Vettel. C'est ça. Là. Quelle ambiance. À quel âge, pour la blague, pardon? 21. C'est ça, 21 ans. Et pour être précis, 2 mois. Et je n'ai pas compté, je n'ai pas mis le nombre de jours. Je suis désolé. Je... 12 minutes de temps. Voilà, c'est ça, oui. N'oublie pas les secondes, c'est très important. Bah, du coup, Dorian, un point. Ah oh, oui. Thibaut. Oui. Allez, une autre moyenne. Mais oui, pas de problème. Quelle est la dernière saison relativement récente où Melbourne n'était pas le Grand Prix inaugural? La dernière saison 2010. Oui, c'est ça. Ouais, j'en ai Moi je dis c'est quand même plus difficile de savoir combien de victoires Sébastien Vettel a eu. Hein. Moi je. ouais, je suis rancœur, mais. Vettel c'était il y a 2 ans quand même. Hein. Oui, mais c'est un nombre, Régis. C'est un nombre. Et 2010, c'est quoi? Bah, c'est une année, c'est pas un nombre, c'est une année. la mauvaise foi. Je peux pas le savoir. Bon, de toute façon, tu as eu la bonne réponse, alors. Bah oui, mais bon, elle aurait mérité 2 points. Allez, méchant catcheur, j'adore l'idée. Allez, Fred, à toi. Facile, j'arrive pas à aller facile déjà, alors. Je suis. Bah non, la sauce. alors, Fred, quel pilote de F1 se distinguait par le port d'une chaussure bleue et rouge? Mais c'est Villeneuve. Quoi? Je l'aime, c'est possible. Régis, on peut pas le conserver pour toute l'année. J'aime bien le quoi. Donc, c'est pas Villeneuve ou Zonta là avec leur avec la barre bleue et rouge? Non, pas vraiment, non. C'est Pierre Richard, le grand bleu avec une chaussure noire. Il vient de prendre sa retraite de pilote. Non, c'était Wurtz. voilà. J'ai confondu la voiture avec les chaussures, ça vrime. Bah oui. C'est pas déshonorant. C'est vrai que nous avons si vous voulez. Hein, les chaussures, la F1, c'est deux moyens de locomotion. Et vous savez qu'à Noël, en plus, nous avons regardé ensemble le résumé de la saison 97 où justement on voyait cet extrait. Ouais, c'est sur mon nom, faire je sais plus quoi. Non, désolé. Mathieu, c'est à toi. On repart sur difficile. Mais oui, mais oui. Difficile donc. Dans les années 70, sur quel circuit mal sécurisé Stewart a-t-il écrasé un chien? C'était à Mexico, ça. Mais oui. Mathieu. Attendez, là, j'aurais été déçu si personne ne l'avait fait. C'est la meilleure question de l'histoire. Non, non, moi, je me retiens parce que si je pars trop loin, Michael va encore râler, alors. Ça, oui. Bon, oui, parce qu'on s'en souvient, on était là. C'était chaud. Donc voilà, c'est une bonne réponse. Et c'est à la sixième question pour Michael. Allez, moyen, parce qu'il faut quand même essayer de dépasser Thibaut. Si je veux finir en finale quand même, ce serait mieux. Très bien. Quel est le plus vieux pilote toujours en course pour 2016? Ah bon, j'aurais pas dit. En termes d'âge. Je parle bien en termes d'âge, hein, pas d'ancienneté. Ah, c'est chaud ça. Mais ce serait quand même. Ah non, ça. Va. Button? Oui. Ah. Non. Hein? Oh, le piège! Non, désolé, Button c'est le plus ancien. Non, mais t'as dit oui, donc c'est bon, j'ai 2 points, merci. Ouais, 2 points, ouais. Bruno Mars, ah, oui. Ouais. Faudra couper ça au montage. Non, ça restera au montage et mes 2 points aussi, ils resteront. Non, je suis désolé. Donc, voilà, Button est bien, dans la figure, bien celui qui est là depuis plus longtemps, titulaire, mais le plus vieux, c'est Raikkonen. Mais je m'en fous! Il devance Button de quelques mois. Mais je m'en branle, tu as dit oui. Dorian, c'est à toi. Tentons une question moyenne. Je vais finir par en gagner une. Oui. Mais oui. De toute façon, tu as gagné une question difficile, donc on peut dire que tu as fait le palier supérieur. Hein. Oui, non, mais j'ai dû faire 4 moyennes depuis le début, je les ai toutes foirées, alors zut. C'est quand même pas de chance. Les moyennes. Merci. Quel pilote a remporté le titre de champion du monde 67? Oh, c'est facile. Je crois. C'est moins connu aussi. Hein. 67, c'est un chiffre. 67, c'est Clark? Non. Aïe. Non, il est. Non. Non. Brabham. C'est le sans doute le pilote qu'on pourrait surnommer en on s'en fout. Parce que c'est sans doute le champion du monde le moins connu de l'histoire. Non, c'est Dan Gurney. Dan Gurney. Alors attendez, j'ai pas entendu les noms là. J'ai quoi? Non, c'est 61, Philippe Thibault. C'est Dan Gurney. Ah oui, merde. C'est Denis Hulme. Oui, non, c'est pareil. Ah, il y a 67. C'est vrai que Denis Hulme, on sait plus qui c'est. Hein. Un petit peu, tout dépend jusqu'à quel point on a révisé, si je puis dire. Mais... On parlait quand même de Denis Hulme, à part. Enfin, voilà, donc, c'est pas... Après, voilà, j'ai demandé, voilà, encore une fois, j'ai demandé le champion du monde. Je n'ai pas demandé qui avait fini 12e du Grand Prix de. Bon. Bah, il s'en sort quand même. Thibaut, c'est à toi. Allez, facile. Mais oui. Alors, c'est tout récent. Avec quelle équipe Barrichello a-t-il terminé sa carrière en F1? Mais c'est un scandale. Avec Williams? Oui. Qu'est-ce qu'il y a, Michael, encore? Mais c'est un scandale, je suis scandalisé. Pourquoi? Je suis d'accord, celui-là. Il y a des questions beaucoup trop simples. C'est un scandale. ouais, c'est pas la plus simple du lot, à mon avis. D'habitude, il est nul, et là, il est pas nul, ça m'énerve, c'est tout. Ah, c'est ça, c'est le mauvais perdant qui parle. D'accord. Je t'emmerde. Est-ce que je pourrais avoir la question la plus facile possible, s'il te plaît? Mais on va les créer une nouvelle catégorie, hein. C'est comme la catégorie de Pirelli, hein. on va les créer les ultra faciles, comme les peu, ultra tendres. Ou un truc comme ça. Ou... Alors, lors de quelle saison le barème de points actuel a été mis en place? Oh, c'est un chiffre, grise, là. Alors, dans les chiffres, c'est la plus simple. Ouais. C'était il n'y a pas longtemps, on va dire 2013. Aïe. C'était même un petit peu avant, 2010. 2009. Aïe, aïe. 2010, désolé. 2010. Oui, voilà, c'est ça, 2010. Ouais, c'est trop tard, là. Trop tard. Dans sa tête, il va avoir 12 points, Fred, à la fin. Mathieu, à toi. Remoyen. Remoyen. Mais arrête de nous piquer les moyennes. Si tu veux. Pour info, alors ça faisait quelques questions qu'on n'avait pas eu ça. Pour info, on retourne dans les questions très joyeuses. Deux semaines après le dramatique week-end d'Imola 94, quel pilote a été gravement accidenté à Monaco? Karl von Nigler. Non mais moi j'aimerais bien ça en question moyenne. Mais ouais, pareil quoi. Je suis d'accord Thibaut, c'est très très drôle. Effectivement, 3 semaines de coma, c'est très très très très marrant. Ouais ouais, c'est marrant. Bon, voilà. Est-ce qu'il a attendu que ma réponse ou pas? Non mais tu n'as rien dit, il n'a rien dit, 0 point, même 5 de pénalité parce qu'il essaye de faire croire qu'il a dit quelque chose. Non non, ça dégage. Éliminé. Très bien, Michael, c'est à toi. Merde, j'ai combien de points? Parce que attends, il nous faut des points. Michael, tu as 5 points. Et Thibaut? Et Thibaut, on a 8. Ah oui, c'est pas bien ça. oui, ça pue de la bite quand même. Ah, les moyens. Allez. Michael, en 2013, en Malaisie, lorsque Vettel a passé Weber pour la victoire contre les consignes, l'ordre codé pour leur maintenir pour leur dire de maintenir leur position, c'était quoi? Ah, le jambon est dans le poulailler. C'était Multi 21, Seb. Iche, c'est cela même. Langer, Manhattan. Et je suis quelqu'un qui, voilà, aime même que les autres ne soient pas lésés, ben je vais dire, cette question méritait d'être en difficile. Tout ça parce que j'y arrive pas. Comme tu le sens. Non mais t'es simple, c'est bon, mais rien un petit peu, merde. Non, c'est-à-dire, on sait plus trop en fait, quand t'es sérieux ou pas, c'est juste ça. Et si tu peux... Non, là, c'est trop là. Bon, il arrive maintenant. À Dorian. Dorian, c'est toi. Une question difficile. Oui, monsieur. Dorian, des 9 marques de pneus ayant déjà concouru en F1, laquelle n'a jamais gagné? Ah bah oui, là... Ça mérite un petit peu réflexion, ça. Hankook. Non. Est-ce que quelqu'un l'a? C'est pas... J'avoue que j'aurais essayé chiot aussi. Hein. Ah ouais, là, je sais pas, Dunlop, non? Dunlop, ils ont gagné, ça. Ah bon, c'était... A-V-O-N, Avon. Oui, j'ai dit Avon. Bien sûr, oui. En fait, non, non, si. Alors là, tu réécouteras, j'ai dit Avon. Oui, mais en fait, Fred, d'accord. C'est que des fois, on t'entend tellement bas, je suis même pas sûr qu'on pourra réécouter. D'accord, bon, bah, je ne sais pas, mais là, je l'ai dit. Non, non, très, très honnêtement. D'accord, non, mais je te crois sur ta compte. Bon, c'est pas grave, c'est pas ma question. Voilà, c'est ça, ce n'était pas à toi, donc bon, bah, on te croit. Mais bon, pour dire que je m'y connais. Voilà, oui. Alors... c'est à Thibaut. Oui, alors, moyen. Oui, moyen, hop là. Thibaut, quel pilote était surnommé Godasse de plomb? Quel pilote français était surnommé Godasse de plomb? Jean-Pierre Jarier. C'est ça. Ouais, merci Michel Vaillant. Voilà. Ah, bon? C'est grâce à Michel Vaillant, tu sais? Oui. Attends, c'est même pas grâce à mes articles, fais chier. Bah, si t'avais écrit Michel Vaillant, il l'aurait su grâce à toi, voilà. Alors, c'est donc à... c'est à toi, Fred. Mais est-ce qu'il a pris une difficile, Thibaut, au moins? Oui. Ah merde, ça m'arrange pas tout ça. Fred? Oui, mais tu devines pas quel... facile. Facile, ah oui. D'accord. quel pilote en pneu slick Hamilton a-t-il doublé lors des derniers instants du Grand Prix de Brésil 2008? Oh putain, je sais que ça. Là, ça pique un peu. Oh, je sais ça. Qui a poignardé, là? Oh mais non, je suis dégoûté, je sais que ça. Je suis désolé, c'était trop tard. C'était tellement un moment extraordinaire. On va voir la famille Massa là. Oh là là là là. Oh. C'était Timo Glock, je suis désolé. Mais oui, mais fort. Non. Non, mais c'est pas grave. Non, mais je suis pas énervé. Bien, Mathieu, c'est à toi. Bon, j'ai pas encore pris facile, donc allons-y. Une facile, très bien. Michael, à l'issue de quelle saison Damon Hill a-t-il mis un fin à sa carrière en F1? 99. C'est ça. Et accessoirement, c'est pas Michael qui répondait, mais bon. Ouais. Non mais je l'ai entendu, j'ai fait comme si de rien n'était. Bon, pas moi. Hein? Non, et non, le point t'as de t'as dit Michael au lieu de Mathieu. Encore une fois, comme d'habitude. C'est arrivé 25 fois, alors tu as l'habitude maintenant, exactement. Bon. Je tiens pas à être confondu avec ce. Donc, nous allons, avant la dernière question de la première partie, nous allons faire un petit point sur les scores, comme ça vous saurez où vous en êtes, ce qu'il faut faire si vous pouvez encore être qualifié. Alors, Mathieu, tu as 13 points. Et voilà, 13 points. Et je ne te cache pas que ça va être très dur de débattre pour certains. Mais j'aime quand c'est dur. Ah. Alors donc, Thibaut est deuxième avec 10 points. Bravo. Oui. Oui, ça lui semble normal. Sympa. C'est très... Bah, je savoure. Hein. Pour moi, qu'il est sympa. Hein. Oui, ouais, oh, allez, hein, soyons fous. Michael, tu es troisième avec, est-ce que tu le sais, tu as compté, tu as 7 points. Ah oui. Ensuite, nous avons Dorian avec 4 points. J'ai toujours et encore. Et Fred avec 1 point. Nous avons les espoirs me sont permis. Voilà, c'est ça. Nous allons donc maintenant passer à la dernière question de cette manche. Et Michael, je ne te cache pas que pour battre Thibaut, il va falloir que tu l'égales et espérer qu'il ne gagne pas une question difficile. Serait héroïque. Du coup, facile, si jamais tu réussis une question difficile, tu es ex aequo avec lui. Lui n'a pas encore remporté de questions difficiles, donc du coup, si il, au prochain tour il n'en a pas, bien, tu es bon, tu as. très sympa le frérot. Au meilleur résultat, tu l'emporterais. Oui, mais ça va devenir notre mascotte là, Fred. Régis, n'essaye pas de faire du suspense. J'invite déjà nos amis qui sont en train d'écouter ce MP3 à avancer de 5 minutes. Puisque bon, je vais prendre une difficile, je vais bien répondre déjà, ça me trouerait bien le cul. Et après, Thibaut va tranquillement venir avec une question facile qui sera pourquoi la F1 s'appelle F1. Et puis voilà, bon, voilà, ce sera pas compliqué. Il n'y a pas de suspense. Je saurais pas répondre à celle-là. Hein. Donc, difficile, mais bon, c'est pour la beauté du sport. Oui, du sport, magnifique. Très bien, très bien. Alors, Michael, quel pilote israélien de 42 ans a fait un célèbre désastreux en Hongrie 2005 pour le compte de Minardi ? Attends, Régis, c'est une question difficile, ça. Ah, quand même ! Bon, Chandosh Nissani, mais... Mais oui. Tout le monde le sait, ça. Oh, mais scandale ! Oh, c'est trop bien, oh, bravo. Ah, j'adore ce jeu. Ah, oui. Oh, les Cool and the Gang, ah, oui. Alors, c'est maintenant à quelqu'un, c'est sûr, c'est maintenant à Dorian. Une question facile, s'il vous plaît. Mais oui, Dorian, avec plaisir. Dorian, pour quelle écurie Alonso a-t-il piloté au départ en Grand Prix ? Au tout début de sa première saison. Minardi. Oui, exact. Là, viens Dorian, tu marques un point. Et voilà, j'ai la quatrième place assurée, c'est génial. Oh oui. Thibaut, à toi. Allez, suspense, facile. C'est un scandale, moi je suis scandalisé. De toute façon, je détruirai les bandes. Voilà, Thibaut, c'est simple. Si tu réponds bien à cette question, il n'y aura pas de diffusion d'émission, aucune. Les bandes seront effacées à jamais. Donc, maintenant, ouais. Je vais voir si vous voulez qu'on écoute. Thibaut, qui est le dernier Français à avoir remporté un Grand Prix de F1 ? Mais c'est pas une question, ça. C'est pas un nom, mon. Olivier Panis. Oui, Olivier Panis, oui, exactement. Oui. Hey, ce qui te fait donc 11 points et qui t'assure la qualification pour la finale, c'est beau. Ouais. Bon, il reste trop analysé, mais bon. Fred, à toi. Mm-hmm. Facile. Fred, de 2001 à 2006, quels sont les deux manufacturiers de pneus s'étant affrontés dans une guerre sans merci ? Oh, Michelin et Bridgestone. Mais oui ! Mais oh oui ! Oui ! Oh oui ! Oh oui, oui, oui, oui, oui ! Deuxième bonne réponse, bravo. J'ai gagné un carambar. Allez, 15 points, tant qu'à faire. Hein. tu as gagné un pneu Pirelli. Ah bah ouais. Mathieu, tu es déjà qualifié et premier, s'il te plaît. Mais pour la beauté du geste, voilà, tu as essayé de remporter une 7e bonne question, parce que tu avais une erreur tout de même. Oh, bon, comme s'amuser, il y a difficile. Oui, très bien. Alors, dis-moi, qui est qui en 91 Qui est qui Qui est qui en 91 Qui en 91 Bon, d'accord, si je vous emmerde, vous le dites. Moi, ah, bah, alors, ça bien, je vais hein. Puisque tu nous invites à faire, écoute, bien. Qui, en 91, a placardé sur la porte de son motorhome la première écurie française de Formule 1? Oula, j'ai pas vu ça. Ça me dit rien du tout. Mais, oh. Non, là, je passe. Là, mais. J'ai pas compris la question. Alors, est-ce que quelqu'un le sait? J'ai pas compris la question. En 91, il y a un type qui a placardé sur la porte de son motorhome la première écurie française de Formule 1. Ce qui n'était pas vrai, c'était une progression. La Rousse, c'est Gérard Larousse, effectivement. J'aurais dit ça aussi. Alors, Mathieu, malgré cette erreur, tu restes tout de même en tête. Et donc, Mathieu et Thibaut vont s'affronter pour la grande finale. Oh, c'est magnifique. Non, parce que Thibaut a dit Larousse de manière dédaigneuse, et moi, je trouve que ça mérite des points de pénalité. Sachant que la finale, ça va être au plus rapide. Donc, ça va être un duel sans merci. Oh merde! Alors vous pouvez arrêter ce MP3 maintenant. Thibaut est plus rapide pour autre chose. Sachant. Oh! Quand ouais, c'est facile, ça. C'est facile, c'est facile. Sachant que, il va y avoir une certaine progression dans la difficulté, puisqu'on va commencer par des faciles, et puis voilà, etc. etc. D'accord. Donc, les premières, vous avez toutes vos chances. Si, après, certains se sentent mal à l'aise avec les questions plus dures, ok, mais les premières, je suis sûr que ça peut être tout à fait serré. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour la finale? C'est Thibaut, quand même. Oui. C'est une rapidité. 4 ouais. À la suite. Ah non, c'est pas la finale, 4 à la suite, merde. Ah. Allez, c'est parti. Les gars, quel pilote Minardi a créé la surprise en marquant 2 points à Melbourne en 2002? Weber. Oui. Eh oui. Je vois que c'est un accident en plus, ça commence bien. Quel accident? Oh, ça va pas, Thibaut? Non, ça va, je suis propre. Il a fait une erreur en répondant à 16 km à l'heure à la rascasse. Oui. Ok. Bien. Bon. Question suivante. En quelle année a eu lieu la première course Nouvelle Oconheim version Tilke? 2002. Thibaut a dit 2001 en premier, j'ai bien compris. Oui. J'ai bien entendu. Ok, ouais. Donc désolé Thibaut, oui. Mathieu a raison, c'est 2002. Oui. Non, Thibaut a fait une mauvaise réponse, donc c'est un point pour Michael qui passe maintenant en finale. Ouais. Et changement de joueur. Nouvelle question, quel pilote italien a remporté 2 titres consécutifs dans les années 50? Ascari. Ah, c'est Thibaut. Mais bravo, Thibaut. Ah, c'est Thibaut. Oh, bravo, Thibaut. Ah, bravo, Thibaut. Thibaut. Thibaut. Ouais, j'en aurais une. Alors, nouvelle question. En 70, quel pilote est devenu le seul champion du monde de F1 ayant été titré de manière posthume? Rint. Oh, Thibaut, il est en feu, il a gagné. Thibaut, il est en fire. Il est en feu. J'ai un peu bouffé la question, mais j'essaie d'aller aussi vite que le père, c'est pas évident. Oui, ben, n'essaye pas. Si, je suis. Voilà, je suis. Aïe, aïe, aïe. Bon. Je suis dans la merde. Mais non. Ah, oui. Allez. Combien de pilotes ont finalement concouru à Indianapolis en 2005? 6. Ah, là, dommage. C'est mal... J'ai choisi Ensuite, mon camp. Quelle compagnie d'électronique a sponsorisé Toyota et orné l'aileron arrière de ses machines durant toute leur saison? Panasonic. Oui, oh oui. Oh, oui, oh Thibaut. Oh, oui, Thibaut. Oui. Bien joué, Thibaut. Je le savais. Il y a des petits plaisirs. Alors, c'est bien. Pour l'instant, vous êtes ex aequo 3 partout. Ouf. C'est bien. Final serré. J'aime. Alors, en quelle année les pneus rainurés ont-ils été réintroduits à F1 jusqu'en 2008? 98. Oui, Thibaut, prends la tête. Thibaut, bravo. Et c'est une surpasse, là. Hein. C'est Rocky contre l'autre, là. Pop Lockheed, pardon. Thibaut. prochaine. Avant le rachat par Bar, quelle a été la dernière saison de compétition de Tyrell? 97. Non, là c'est 98. C'est Mathieu. Oh merde. C'est 98. Désolé, la méthode Fred ne marche pas. 4 partout. Attention, top, je suis. Non. Faut vraiment pas que je fasse que la Julien perd ça. Quel Mathieu. Pilote a atterri dans l'eau du port de Monaco en 55? Ascari. Ah oui. Oui. Mais enfin, si toutes les réponses à chaque fois c'est Ascari, mais... je peux gagner aussi. Ascari plus vite. Je ne commenterai même pas. Je ne commenterai pas. Citez-moi un pilote ayant réalisé sa première pole position pour son premier Grand Prix. Villeneuve. Oui. Lequel? Ah, voilà, pour ça. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Allez, bonne réponse de Thibaut. Oh oui, Thibaut. Qu'est-ce qu'il a dit, Thibaut? Jacques Villeneuve. Ah, on se retrouve à une polémique là, c'est vrai, tu n'as pas précisé. Ou alors Reutemann alors. Bon. On va quand même l'accorder à Mathieu parce que bon, on sait tous ce qu'il voulait dire Jacques Villeneuve. Okay. C'est pas comme ça. C'est scandale. C'est scandaleux. Thibaut est le vainqueur moral de ce championnat. Soyons honnêtes. Alors, on va bientôt grimper on va commencer à grimper en difficulté là, mais ce sera simplement au nombre de questions remportées et pas au nombre de points. Les points là ne comptent plus spécialement. C'est juste le nombre de questions remportées. Alors, attention, comment étaient surnommés les appendices de monoplace vite interdits en 98? Pingouin, oui. Ça veut aussi, ça. Qu'est-ce que tu as dit, Fred? Je sais plein de trucs, en fait, mais c'est juste que c'est pas mes questions. Puis tu sais, en finale, c'est pas chance. C'est la maladie de Michael, mais il a le même problème avec nous. C'est le hasard. Lors de la saison record de 82, combien en 16 courses y a-t-il eu de vainqueurs différents? 11. Oui, si ça pouvait revenir, ça, je sais pas tout à fait contre, je vous avoue que... Tu veux que l'essayer tout, c'est bon. 5 heures en 16 courses, ce serait pas mal. Oh, c'était il y a 4 ans qu'il y en a eu beaucoup, ça va. C'était pas si bon. Oui, c'est vrai. C'est vrai que tous les 4 ou 5 ans, on a une saison un peu plus sympa de ce côté-là. Mais bon, si ça pouvait être encore plus souvent, je ne serais pas contre. Non, regarde l'indicateur. En quelle année Ferrari a-t-elle adopté pour de bon une boîte semi-automatique? 89. Oui. Mathieu a pris de l'avance, là je ne vous le cacherai pas, vous aviez remarqué. Thibaut, t'es où? Non mais j'allais dire, c'est, oh, non, mais c'est le naufrage de Thibaut. Là. C'est ça. Alors, attention, c'est une question un peu technique. En excluant la règle de comptage des meilleurs résultats, qui est le premier pilote à avoir dépassé la barre des 100 points en F1 en une saison? Mansell? Non. Tu as tout ton temps, du coup, Thibaut. Ah bon? Loda? Comment? Loda? Non. Non, c'était... Ah bah non, oui, merde! C'était Prost. Oui, 88. Exactement, 88, ouais. Ah, j'aurais dû y penser. Alors, bon, on a eu la question sur Prost, maintenant on va avoir une question sur Senna. Bon, 10 à 4. Non. Alors, j'espère que tu vas faire une erreur juste histoire de. Ah, mais ça peut arriver, écoute. Je veux dire, même heureusement que ça arrive. Si c'est là lequel? Ça peut être Bruno aussi, on sait pas. Bah, je sais pas, mais si c'est Bruno, ça me va aussi. Hein. En quelle année Ayrton Senna à Monaco a-t-il failli renverser un commissaire de piste qui avait imprudemment traversé devant lui à Saint-Debotte? En 91. Oui, et franchement, si vous voyez l'image, c'est chaud, ouais. C'est chaud quand même, ça se joue peut-être à 30 cm, mine de rien, voilà, c'est un peu... Putain, il a répondu dans la 2 millisecondes, là. Est-ce qu'on peut dire que si Fred, Dorian ou moi en répond, ça compte pour Thibaut? Ah ouais, c'est bien ça. Ah, si Mathieu est d'accord, moi je ne suis pas contre. Bah, pourquoi pas. Allez. Ah oui. T'amuses. Donc là, l'objectif est simplement de faire du grésillement, comme ça on n'entend pas la réponse de Mathieu. Attention, je m'en gueule, en fait, c'est ça. Attention, c'est ça, Mathieu, voilà, tu es sérieux? Ouais. Pourquoi pas, après tout. Oh, attention, très bien. De toute façon, ça ne changera pas grand-chose, étant donné qu'il il a 6 points d'avance et il reste 7 questions, donc bon. Travail d'équipe. Voilà. Très bien, travail d'équipe. Alors, Jacques Villeneuve, senior, est auteur de combien de départs de course en F1? 27. Oula. Putain, j'ai pas peur. Attends, Jacques Villeneuve, c'est... Senior, oui. L'oncle, déjà. Des départs... 0, il s'est jamais qualifié. 0, effectivement, il s'est jamais qualifié, c'était une question piège. 2. Et non, il ne s'est jamais qualifié. 2. Non, non, non. Pas 2, non. C'est le nombre de points que tu viens de me donner tout à l'heure pour une question où j'avais eu oui et en fait c'était pas la réponse. Mais je dis ça, je dis rien. Oh, peut-être que t'es plus sérieux en finale. Je dis ça, je dis rien. Question suivante. En quelle année au Grand Prix de France, 4 Français étaient aux 4 premières places? 1989. 82. 82. C'est pas loin. C'est bien 82 en effet. Oh. Je commence à perdre le. Je vois tellement de points pour la. Pour Mathieu, que je commence à perdre le compte. Il est tellement fort. Bah, il reste 5 questions et il a 7 points d'avance. Je pense que c'est finito. Hein, sans... Un peu, oui, un peu. Mes chevilles qui sont passées taille 53, c'est normal. Sauf si qui la dernière, elle peut valoir 20 points. Allez, une un peu plus. Non, non, non. Ça, non. Elle vaut tout, t'as d'ailleurs, voyez, une un peu plus simple. Je pense. je me méfie en fait maintenant. En principe, je pense qu'elle est plus simple parce que déjà plus récent. Qui était le directeur de l'écurie BMW Sauber? Mario Theissen. Oh, ah, il fait moins son malin l'autre maintenant. Hein. Ah, c'était un on peu... est trois voix répondu avant Mathieu, t'avais points trois points. Trois points pour Thibaut. Trois points une fois. Il vient dans un point pour effectivement, c'est Mario Theissen. Oui. quel est le plus vieux pilote encore en vie ayant gagné un Grand Prix? Oh, pire. Sans moi. Jacques Lafitte. Moss. J'ai Moss. Moss. C'est Moss, en effet, mais c'était Thibaut, Mathieu qui l'avait dit en premier. Donc, Oh, merde. Beaucoup de Thibaut qui se dit, attends, il a pas entendu, peut-être que, attends, je vais peut-être tenter un truc. Moss. Non, non, non. mais Moss, c'est... Bien essayé. Moss, c'est pas le seul vainqueur des années 50 encore en vie de tout court. Je vérifie, tiens. C'est pas possible. Combien de tours a duré Adélaïde 91? 14. 2. Oui, pas faux, c'est 14. Et boum. Oh oui. Ah, bien joué. Oh, magnifique. 5 points. Thibaut est très fort quoi, quand il est. Et oui, ce qui fait donc. Ce qui a donné d'ailleurs un temps récemment particulièrement court. Oui, qu'est-ce que tu disais, Mathieu? Non, je l'insultais de Schumacher. Pourquoi? Soyons pas violents tout de suite, les gros mots comme ça, c'est pas. bah, parce qu'il a besoin de ses laquais pour gagner. Alors, quelle chose est. Chose. Je vais vous donner. Un boulon d'huile. Je vais vous livrer un secret de fabrication. Évidemment, je lis mes questions et je fais une méga faute d'orthographe. Voilà, c'était juste histoire de, pour l'anecdote, hein, c'était juste histoire de rire un petit peu. Quelle chose, j'avais mis Q-U-E-L, c'est intolérable. Maintenant, vous le savez, vous êtes fasciné. C'est pas Thibaut, ouais. Quelle chose particulière sur sa monoplace, Christian Klien a perdu à Monaco 2004? Un diamant. Allez, oui, Michael. Un diamant qui était sur le nez de sa Formule 1. Il s'est craché au premier tour et on l'a jamais retrouvé. Bon. Ah non, il y a longtemps, tu nous avais raconté la vraie histoire de ça. C'est vrai, j'avais fait ça. Et pour finir, c'était une ma question que j'avais prévue au besoin pour départager. Mais bon, étant donné que c'était plus nécessaire, on peut l'apprendre de toute façon. En 77, à Mosport, quel pilote a mis son poing dans la figure d'un commissaire qui voulait faire la scène? Hunt. Mathieu a raison, c'est bien James Hunt. Très bon caractère, manifestement. J'aime bien parce qu'il le frappe et 2 secondes après, oh, excuse-moi. C'est gentil. Au moins, il le fait, oui. Au moins, il le fait. Eh bien donc, sans surprise, on s'en doutait depuis quelques questions, malgré la bonne résistance de Thibaut au départ. Mathieu, oui, j'ai gagné, merci. Un peu aidé. Aïe. 10. Bon, je suis en train de calculer. Donc 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 pour cette finale. Thibaut, 6. Donc pas de discussion. Mathieu, bravo. Grand vainqueur. Merci. Vous êtes en délire. C'est la folie dans le studio. Ah oui, j'attire les fous là, comme toujours. Et non, les autres, vous ne le féliciterez pas avant que nous rendions antenne? Bah si, j'ai dit. Ouais, ça, oui, ils ont fait un effort. On l'a bien entendu, c'est bien. Ah. Oui, c'est de la mauvaise foi quand même, je trouve. Ouais. Bravo Thibaut. Ouais. Allons. Eh bien, merci à tous d'avoir participé. Ah, bien, bien. Toujours un plaisir. Oh, oui. Puis c'est bien, comme tu as fait le quiz, tu t'es auto-privé du concurrent le plus sérieux que je pouvais avoir. Oui, je sais. C'est gentil, hein, franchement. Non, mais voilà, non, c'est vrai que lorsque pour la saison 2014 des quiz, c'était moi le plus fort, en vrai, mais bon. Ouais. J'avais loupé des émissions, mais bon, bah, normal. Mais bon, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Allez, merci à tous. De rien. À une prochaine fois. Bien sûr. Bah, avec plaisir. Il le faut. Bye. Bonsoir, bye. Ah, c'est... Salut.